La voix est le reflet de notre personnalité et de notre identité. Il y a ceux qui parlent vite et ceux qui parlent lentement, ceux qui parlent fort et ceux qui parlent doucement. Il y a aussi tous ceux qui zozotent, qui chuchotent, qui bafouillent. Tous ceux pour qui le simple fait de parler demande un effort ou nécessite un apprentissage. Et si je vous disais que je m'appelle Émilie et que j'ai moins de 30 ans, me croiriez-vous? Comme plus de 15 000 personnes par an, j'ai été touchée par un cancer de la tête et du cou. Moi, ce sont mes cordes vocales qui ont été touchées. Mais les cancers de la tête et du cou, ça représente plus de 40 pathologies différentes. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les témoignages de ces personnes qui ont dû réapprendre à parler, à manger, à s'accepter, à vivre tout simplement. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou, à écouter sans modération.